Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans un caprice de lecture un peu spécial aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un sujet polémique, la chasse, en présence de Benoît Fourchard. Bonjour Benoît. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler donc de ton dernier livre, Jour de chasse, paru aux éditions Seuil en septembre 2025. J'ai pas fait d'erreur. Tout à fait. Super. Alors Benoît, comme d'habitude, il va y avoir quatre grandes questions qui vont être évidemment sur le livre, mais pas que, mais tu es un habitué du micro de Caprice de lecture. Donc tu sais à quoi t'attendre. Tout à fait. Oui, dit-il en hochant la tête et en se disant « mais qu'est-ce qu'elle m'a réservé ?» Alors on y va tout de suite. Sujet sensible et actuel, ton roman « Jour de chasse » évoque la chasse, ses codes et ses principes. Mais pourquoi tu as choisi cette thématique sensible ? Bah en fait, je suis tombé sur un article de presse qui racontait l'histoire d'un jeune homme tué par un chasseur, tout près de chez lui. Et on se posait la question, est-ce que c'était un accident ou pas ? Alors, il se trouve que c'était bien un accident dans ce fait divers précis. Mais je me suis inspiré de ça et comme le sujet m'intéressait depuis assez longtemps, ouais. Pour être comme tout le monde, de temps en temps, aller me promener dans les bois avec attention, chasse en cours. Oui. Je me suis interrogé, renseigné, documenté, etc. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet éminemment important. Et puis, il y avait, enfin, tout, après, ça a développé, évidemment, j'ai construit cette histoire comme une sorte de polar. Ouais. Mais avec toutes ces notions de comment est-ce qu'on partage le territoire entre humains et vivants, en quelque sorte. Et bon, ça, c'est un petit peu un prolongement aussi de ce que j'ai déjà fait dans d'autres romans jeunesse, notamment. Mmh. Tout ce rapport avec la planète, avec l'écologie, avec la nature, avec les autres. Et puis en plus, ça me permettait de raconter quelque chose au niveau du rapport du commun des mortels et des chasseurs eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui sont quand même armés, avec des armes puissantes, puisque ça peut tuer des gros gibiers. Oui. Et puis avec un rapport un petit peu presque d'une forme de domination des uns sur les autres. Donc je me suis interrogé sur tout ça et comment le livre n'est pas anti-chasse absolue. C'est pas le problème n'est pas de c'est pas non plus un plaidoyer pour la chasse. C'est juste pas du tout. En fait tu poses la question de mais où sont les limites de la chasse par rapport au vivant et quel que soit le vivant. Parce que je ne vais pas dévoiler l'intrigue, mais elles sont où les limites ? Et puis, tu présentes, alors, je ne sais pas, c'est une occupation, est-ce qu'on peut appeler ça un sport ? Je ne sais pas. C'est un sport ? C'est un loisir. C'est un loisir. C'est un loisir, oui. Hein ? Ce qui n'est plus la même chose qu'avant, où c'était la chasse paysanne, comme on appelait ça, était une manière de se nourrir. Oui, où est la limite entre l'exercice d'un loisir qui peut mettre en danger la vie de quelqu'un ? Et effectivement, de l'autre côté, l'autre limite, c'est « mais je suis qui en tant qu'homme avec un grand H pour enlever la vie à un animal, quel qu'il soit ?» C'est exactement le propos. C'est ça. Alors justement, je voulais qu'on parle des personnages. Donc on a Léon qui devient orphelin de père et de mère, qui perd son frère. Alors j'ai toujours tendance à en dire un peu trop, donc là je ne dis pas comment. Parce qu'il à un moment, c'est un peu le début de l'histoire. Voilà, il faut quand même aller lire. Il perd son frère, il a 14 ans. Et donc toi, tu mets en avant un ado de 14 ans avec tout ce que ça comporte, puisqu'il se retrouve avec la petite amie de son grand frère, justement, et puis il va vivoter un petit peu comme ça tout seul. Alors justement, le choix de cet ado, qui, à mon sens, il a un profil quand même extrêmement complet pour 14 ans, c'est un gamin qui a grandi très vite et qui se retrouve confronté effectivement aux problématiques de la chasse. Mais pourquoi t'as choisi un gamin de 14 ans ? T'aurais très bien pu établir le roman sous l'œil d'un chasseur. Alors, ils sont présents dans le roman, les chasseurs, bien sûr, et on va deviner pourquoi. Mais pourquoi cet enfant de 14 ans ? Est-ce que tu avais besoin d'avoir la sensibilité d'un gamin qui est en pleine construction émotionnelle, physique et psychologique pour qu'on s'y attache, peut-être ? Il y a ça, alors il y a plusieurs raisons. Déjà, dans l'histoire elle-même, le point de départ de cette histoire vraie, il y a un grand frère et son petit frère, d'accord. Effectivement, ils sont orphelins. Ok, donc là, tu t'inspires de ce fait divers. Là, je me suis inspiré de l'histoire de départ. D'accord. Ensuite, c'est un roman qui s'adresse à de jeunes lecteurs à partir de 12-13 ans. Donc, il est toujours assez intéressant d'avoir un personnage principal dans lequel ils peuvent se retrouver. Moi, mon choix était effectivement de prendre le point de vue de ce Léon qui a 14 ans et qui surtout était très copain, il était très copain avec un fils de paysan qui habite dans le coin, qui est devenu lui-même chasseur. Donc ils ont eu un parcours qui s'est très très fortement différencié. Ils se sont éloignés avec le temps. Sachant que Léon et son frère Albin, donc qui est tué par un chasseur, leur père était travaillait à l'ONF. Donc avec aussi un rapport avec les chasseurs, était aussi anti-chasse. Et puis tu présentes aussi, je trouve, un aspect un peu rude de la vie rurale. Moi, il y a certains passages, j'ai trouvé ça un peu rude. Je dis, on est quand même dans les années 2000, dans les rapports. Parce qu'il y a quand même beaucoup de rapports conflictuels, en fait. Très, très tôt, Léon, il dit, je sais, il se doute qui a fait ça. Il ne sait pas trop comment l'exprimer. Il se confie à la petite amie de son frère. Et j'ai trouvé que les rapports étaient vachement... c'était grinçant, quoi. Oui, alors on est dans un roman où il faut, de toute façon, comme un peu comme au théâtre, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, il faut toujours dans l'intrigue qu'il y ait du conflit et qu'il y ait de l'émotion et qu'il y ait... C'est un peu rêche, quoi. Alors, c'est aussi pour montrer parfois la dureté des rapports humains. Et je pense qu'on est... Ils ne sont pas spécialement rêches dans cette histoire-là. C'est un peu comme dans la vie. Hein. Ouais, malheureusement. Et pas que à la campagne ou pas que dans le milieu des chasseurs. Alors, c'est peut-être le fait que ça se passe à la campagne qui me fait dire ça. C'est sûr. Alors là, il y a un choix, effectivement, que ça se passe dans un... Je sais même où ça se passe, dans quel village. J'ai la géographie du lieu, etc. Il n'est pas cité dans l'histoire. Non. Le lieu est inventé, mais malgré tout, moi, je sais... J'ai une géographie, une topographie des lieux... ça pourrait très bien se passer chez nous en Lorraine, hein, ou dans plein d'autres régions. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup étudié le phénomène et le processus de la chasse. Cette histoire-là pourrait exister dans plein de régions différentes, bien sûr. Okay. Alors, on va faire une première coupure musicale avec un morceau de ton choix qui s'appelle « La chasse » de Monsieur Tachan, c'est ça ? Oui, tu m'as fait des grands signes, oui, j'écris très mal, Henri du coup, Tachan, je n'arrive pas à me relire. C'est assez virulent. Hein. La chasse, tiens, voilà, pourquoi Monsieur Tachan ? Ça m'est venu comme ça, j'ai repensé à cette chanson, je ne suis pas spécialement fan de Henri Tachan, bien qu'il fasse partie du paysage musical français, qui date un peu, hein. Il est mort d'ailleurs, je ne sais plus quand, peut-être pas si longtemps que ça. Enfin bref, j'ai aussi cherché dans mon répertoire musical qu'est-ce qui pouvait raconter un petit peu des histoires de chasse. Hein, parce que les précédentes rencontres qu'on a pu avoir, il y avait toujours un rapport musical. Là, il n'y a pas tellement d'histoire de musique dans ce roman. C'est vraiment le titre, en plus. Donc, en plus, c'est le titre, oui. Donc, voilà. Okay. Alors, on écoute et on revient juste après pour la deuxième partie d'émission. Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, vin Dieu, c'est pas pareil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut que ça palpite de plumes et de ramages. Il faut que ça ait peur, il faut que ça se sauve, bref, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumé au chapeau, ils partent comme en 40. Animer la flamme du chasseur inconnu qu'avait du poil au ventre. En carte comme les putes, ils draguent à Rambouillet, ils tapinent en Sologne. Mais quand ils tirent leur coup, le client de passage se réveille à Charogne. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le coït des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Regardez les marchés, l'arrogance au visage, le cœur sur la gâchette. Ces spadassins rentrés, ces héros d'épinal, ces tueurs de fauvettes. Regardez les marchés, ces arrobes de banlieue, ces émigrés de Neuilly. vers le trou à lapin, vers la mare à canard, y faire leur safari. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la villette des forestiers. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Les soldats, ça s'enraye, les soldats, ça se rouille, c'est comme les carabines. Ton service militaire, tu le continues plus tard à coups de chevrotine. Pour le chasseur français, il y avait le perdre aux boches ou le lièvre félouze. Pour le chasseur franquiste, l'anarchiste rouge-gorge et la chienne andalouse. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans ce caprice de lecture où nous traitons essentiellement aujourd'hui de la chasse avec Jour de chasse de Benoît Fourchard qui a accepté de rester dans les studios, donc c'est que ça se passe pas trop mal. Ah oui. Aux éditions du Seuil. Benoît, j'avais très envie qu'on parle des personnages annexes. Les différents chasseurs, les différents protagonistes. Alors, il y a ceux qui sont en premier plan, puis il y a ceux qui sont un petit peu derrière, qui font un peu masse. Avec ce chasseur-là, un peu le porte-parole, le président de la fédération, ou que sais-je encore. On a l'épicière, on a Lily, donc, qui est la petite amie du frère de Léon. Moi, j'ai trouvé que c'était des personnages à la fois très différents et extrêmement complémentaires. Est-ce que c'est le chasseur, là, le président de la fédé, tout ça... Moi, je le vois comme un grand bonhomme avec une grosse voix, voilà, qu'on impose aux autres. D'ailleurs, les autres, il n'y a personne qui bouge un cil hein, quand il parle et qui dit « c'est comme ça ». Voilà, est-ce que c'est un choix ? Moi, je les trouve assez complémentaires quand même. Ça fait comme un petit vivier, tu sais, un petit vivier, comme ça. Tu parlais du petit village tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment un petit microcosme comme c'est ça. C'est exactement un microcosme. Et pour avoir un petit peu connu la vie des villages, j'avais déjà écrit un premier roman d'ailleurs en 2013, il était sorti, qui s'appelait « La lune avec les dents », qui était une déflagration dans un village à cause d'un personnage un petit peu atypique comme ça. Donc, je connaissais déjà un petit peu le sujet pour l'avoir écrit et pour avoir aussi connu... ça peut être aussi le cas dans une vie de quartier ou autre, où il y a toujours des antagonismes, des gens qui se détestent, des gens qui s'aiment. Des gens très connus, voilà, à qui on prête des faits héroïques ou moins, mais voilà, qui sont connus pour ça. Et moi, je me disais que ce petit microcosme, voilà, en parlant de ça, je pense à cette jeune Lily qui doit avoir 18 ans et que je trouve d'une maturité incroyable pour son âge. Elle a tout traversé, cette jeune fille. Oui, elle a d'ailleurs plutôt 20 ans, mais très jeune. Oui, elle est très jeune. Alors, il y a toute une histoire périphérique. C'est aussi l'intérêt d'un roman par rapport à la nouvelle. Ouais. J'écris aussi beaucoup de nouvelles. Mais l'intérêt du roman, c'est qu'on peut se permettre quelques digressions avec des personnages plus que secondaires, parce que Lily, c'est un personnage important dans l'histoire, mais on peut découvrir au fur et à mesure. Pour tout dire, pour l'anecdote, au départ, cette histoire de Jour de chasse, c'était une novella, une longue nouvelle. Ok. Que j'avais proposé à un autre éditeur, mais j'avais quand même envoyé par sympathie à mon éditrice du Seuil pour lui dire, bah tiens, si t'as envie de développer une ligne éditoriale, roman noir, très très court, novella pour les ados, je te propose ça. Puis elle me dit, mais non, pas du tout, tu vas le développer, au contraire, pour en faire un roman court, hein, relativement, oui. Par rapport à Ida la Bleue, par exemple. On sait que les ados adorent les romans longs. Eh ben oui, mais justement, c'est aussi un lectorat potentiel. Quoi. Le format est très très intéressant et voilà. En tout cas, ça m'a permis, moi, de développer un certain nombre de personnages comme cette Lily, par exemple, donc dont on connaît beaucoup plus l'histoire, la famille, etc., le métier, elle travaille dans un bar, dans la petite ville à côté, etc. Et puis des personnages, comme tu disais, du président de la chasse. Ça m'a permis aussi, dans ce président de la chasse, d'y mettre toute une notion de caste et de classe, oui. On va dire. Hein, parce que lui, il fait partie, donc il a un énorme élevage industriel de poulets, donc il est richissime, et il est aussi président de la chasse, donc il y a quelque chose aussi. Il a une sorte de charisme naturel aussi, de par sa fonction, enfin, de par sa fonction à la chasse, et sa fonction professionnelle. Tout à fait. D'ailleurs, son propre fils, à un moment dans le roman, dit que c'est pas tous les jours la joie, enfin voilà, il impose tout, il est, c'est un patriarche au boulot comme à la maison, avec tout ce que ça comporte. Alors il y a ce personnage-là, mais il y a aussi par exemple celui qui très vite est soupçonné d'avoir tiré, qui était un paysan, hein, donc avec aussi la problématique des agriculteurs d'aujourd'hui qui ont des grandes difficultés financières, etc., et que dont le seul loisir, finalement, c'est ce qui est revendique. Hein, oui, c'est la chasse. Et donc, il y a aussi toute cette problématique de comment est-ce qu'on fait coexister tous ces gens-là, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as fait un peu de sociologie, tiens ? Je pense qu'un jour de chasse, parce que ça, voilà, je me dis, ça déchaîne un peu les passions. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les neutres, il y a les ah mais oui, ils peuvent pas, mais si ils peuvent. Je me dis, ça fait un peu sociologie, tu vois. On a tous les profils. Il y a du jeune au moins jeune, de ceux qui font de la chasse, de ceux qui veulent pas, de ceux qui disent moi je me prononce pas. Voilà, en fait, c'est un peu une espèce d'analyse démographique par âge de êtes-vous, alors pas pour ou contre, mais qu'est-ce que vous pensez de la chasse, quoi, grosso modo. C'est sûr que je pense que je procède un peu de la même manière dans tous les romans. Voilà, mais là vraiment, je trouve que c'est marqué. Parce qu'il y a une structure dramaturgique très filmique aussi, qu'on pourrait dire, qui est très scénaristique. Oui, c'est vrai. Mais ça, je crois que je fonctionne souvent comme ça, même dans les romans pour les adultes aussi. Ouais. Avec une structure narrative qui permet justement d'avoir toutes ces possibilités-là et cette idée peut-être effectivement de microcosme, de sociologie, comme tu dis, effectivement. Mais c'est un petit peu obligé quand même de réfléchir, en tout cas, mais que ça soit d'ailleurs dans l'écriture théâtrale ou évidemment cinématographique, mais aussi romanesque. Pour moi, ça me paraît important que mes personnages soient bien déterminés. Parce qu'ils agissent pas comme ça, d'une manière gratuite, c'est-à-dire qu'ils ont toute une histoire. Chaque personnage a son histoire. Tu vois, ça me fait penser à Martha. Moi, je t'ai connue avec Martha. Et Martha, alors, tu soulevais une problématique qu'on rencontre de plus en plus, hein, chez beaucoup de personnes, malheureusement, avec des protagonistes qui étaient... j'avais l'impression d'avoir une étoile, en fait. Tu vois, lui fait ça, lui est comme ça, elle est au centre, Martha. Bien sûr. Et dans Jour de chasse, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Sauf que là, j'ai le fait divers au milieu. Et puis, j'ai les personnages autour. Ça faisait comme une toile d'araignée, en fait. Moi, j'aime bien cette construction parce que pour moi, c'est clair, du coup, quand je lis. Alors, c'est vrai que j'aime particulièrement cette construction un petit peu à tiroir. Mais il y a ça aussi dans Ida la Bleue. Oui. Et dans Martha, effectivement, c'est le cas de le dire, parce que c'est une histoire de, pour le rappeler, de syndrome de Diogène. Syndrome c'est-à-dire que c'est Diogène. Quelqu'un qui doit aller vider une maison. Oui. De sa tante qui est atteinte de ce... Donc, il découvre une maison remplie de tout un million d'objets. Une espèce de labyrinthe juste pour passer entre les différents trucs, là, c'est donc, cette histoire d'ouvrir des tiroirs, c'est vraiment ça. Oui. C'est même concret, très concret. Et donc, dans chaque tiroir, il trouve une histoire. Enfin, et ça permet tout un tas de digressions qui, effectivement, se dessinent un peu comme une... peut-être comme une toile d'araignée, je ne sais pas. Et si un truc qu'il aurait dû faire, ce personnage, en revenant à Martha en 3 jours, ça lui a pris je ne sais pas combien de temps, parce qu'il tombait à chaque fois sur des choses... Et puis, ça a transformé sa vie. Et ça a transformé sa vie en plus. Alors, Benoît, quelle est ton actualité ? Est-ce que tu as autre chose en cours ? À chaque fois, je pose la question, oui. Et tu as autre chose en cours Alors, je suis en cours d'écriture d'un roman. Mais tu ne t'arrêtes plus. Là, c'est vrai que j'ai un peu enchaîné sur ces 2 dernières années avec beaucoup, beaucoup de parutions, c'est vrai. Ouais, mais c'est bien. C'est un peu le hasard qui fait qu'il y a des choses qui s'étaient un peu arrêtées au moment du Covid, qui ont sont redéveloppées. Enfin, je t'avais raconté. Ouais. Et donc là, effectivement, là, j'ai plutôt des choses en chantier. Donc, il y aura pas normalement de parution prochaine. Okay. On va un peu se poser, hein, quand même. Ouais, voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur un futur roman pour les adultes. Ok, adulte, d'accord. Voilà. Et puis, j'ai de nouveau en chantier un roman jeunesse, un autre, qui il va pas vraiment faire la suite de Jour de chasse, mais qui va être aussi dans un registre autour de l'écologie. Cette fois, il se passera en Bretagne. Donc là, il y a tout un projet avec l'éditeur, d'ailleurs... Bon, voilà, pour une parution, je pense, en 2027. C'est des thématiques qui tiennent à cœur, l'écologie. Beaucoup, parce que je pense qu'on la néglige un petit peu et que ça me semble être une des grandes problématiques de ces jours-ci, enfin... Oui, de notre époque, voilà. Malheureusement. Est-ce que tu vas faire des salons, là, pour début 2026 Non, est-ce qu'on pourra venir te rencontrer ou... Non, il n'y a rien de prévu avant... Rien de prévu. avant le début du printemps, je dirais, il me semble. Il y a plusieurs salons qui vont se mettre en place. Voilà, donc... mais pour l'instant, donc, j'ai un peu beaucoup... Beaucoup éclusé depuis le mois de septembre, donc ça va un peu se poser. Puis on prend le temps aussi de faire d'autres choses. On va faire une deuxième coupure musicale de ton choix, toujours en lien avec la chasse, parce que c'est Vive la chasse de Bourvil. Est-ce que tu aimes beaucoup Bourvil ? Oui, mais enfin Bourvil fait partie de notre patrimoine, j'ai envie de dire, et surtout cette chanson-là que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, présente plutôt un côté, on va dire, un peu distancié du problème de la chasse. Donc... Parce que autant Rita Chance, il y a de la charge, c'est le cas de le dire. Autant là, Bourvil, c'est un peu plus léger. Puis voilà, il fait vraiment partie de notre histoire à tous. Alors on écoute Bourvil et on revient juste après pour ton caprice de lecture. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs. Dans la bonne terre grasse, on a mal aux pieds, ça ne fait rien. C'est pour le gibier que l'on vient. Bon, en plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Puis on va plus loin, ça y est, voilà le bon coin. C'est par là que les sangliers passent. Tiens, tiens, dans le fourré, un bruit et vous tirez. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le garde-chasse? Bon, en plein dans le mille, y a plus qu'à tirer un chèque non barré. Pour cette espèce d'imbécile, la chasse est un sport difficile. Chasse à l'arrêt ou bien chasse à l'affût, toutes les deux je les aime. Mais il existe une chasse de plus, et moi je préfère cette troisième. On y tire un gibier frisé, caché dans les Champs-Élysées. Oh, en plein dans le mille, oh le bel oiseau, il s'appelle Zozo. Oh, en plein dans le mille, si j'en crois sa taille, c'est une caille. Ah non, erreur qu'il l'eût cru, cette caille n'est qu'une grue, mais une grue qui n'est pas une bécasse. Une fois dans son nid, elle vous présente à qui? Au type qui lui sert de garde-chasse. Bon, en plein dans le mille, faut encore tirer un chèque non barré. Oh non, monsieur Émile, la chasse est un sport difficile. Bon, en plein dans le mille, si vous désirez quelque chose à tirer. Bon, en plein dans le mille, suivez mes conseils éclairés. Rentrez vite chez vous, étirez les rideaux, étirez même la chevillette. Tirez votre femme dans vos bras au dodo, étirez des plans sur la comète. Bon, en plein dans le mille, mais soyez gentils, rangez vos fusils, allons. La chasse est inutile, laissez les petits oiseaux tranquilles. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission de Caprice de lecture où Benoît Fourchard, après nous avoir parlé de Jour de chasse, édité aux éditions du Seuil depuis septembre 2025, va nous faire part de son caprice de lecture. Benoît, la parole est à toi. Très bien. J'ai fait ça bien. Je vais juste dire un mot sur un bouquin qui s'appelle « L'animal et la mort » de Charles Stepanoff, qui est un essai, ce n'est pas un roman, mais qui parle de la chasse et qui parle justement, c'est très très complet, et évidemment qui m'a un petit peu, il fallait quand même que j'en parle, qui m'a aidé à la fois dans l'écriture, mais aussi depuis dans l'argumentation qu'on peut apporter sur, et puis de toutes les connaissances qu'on n'a pas finalement, que le commun des mortels n'a pas, sur, sur l'idée de la chasse, mais aussi sur le rapport de l'humain avec, avec l'animal. Voilà, ça c'est Charles Stepanoff. Donc ça peut venir en complément de Jour de chasse. C'est complètement. Ok. C'est plutôt pour les adultes. Ok, ça marche. Et sinon, je voulais vous parler d'un recueil de nouvelles. Au hasard. Voilà. Donc, Parce que, bah, évidemment, étant auteur de nouvelles et promoteur quand même de la nouvelle avec notre festival, 12 000 signes, qui a vu d'ailleurs sa dernière édition au mois de novembre. Donc, voilà. C'est sûr, sûr. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de financement. Il n'y a plus rien. Donc, on a décidé d'arrêter plutôt que d'essayer de faire avec rien. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est un peu une case générale de la culture, mais on ne va pas ouvrir le dossier. Non. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles d'une autrice argentine qui s'appelle Mariana Enriquez, qui est assez reconnue en France. Hein. D'accord. Le roman, le recueil s'appelle Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Donc on avait déjà travaillé sur son recueil précédent qui s'appelait, j'ai noté le titre, ah oui, Les dangers de fumer au lit. Oh, mais je crois que je l'ai lu, Les dangers de fumer au lit, au format 2023. Poche. Ah, il est peut-être sorti en poche, oui. Il était au format poche et c'était des petites nouvelles, un petit peu macabres. Il y avait très macabre. Et j'avais adoré. C'est très caustique, moi j'avais beaucoup, voilà. Beaucoup aimé. Donc, c'est même plutôt d'assez longues nouvelles, on a le temps de s'immerger dedans. C'est très très caustique, moi j'aime bien. Et qui raconte plein de choses. Alors il y a des fantômes, il y a des morts vivants. Et il y a aussi de l'humour malgré tout. Oui. Et donc, bah voilà, ça c'est son dernier recueil qui s'appelle Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Voilà, donc bah, je voulais le signaler, comme je crois la dernière fois j'avais dû parler de, peut-être, la dernière fois que je suis venu, le dernier bouquin de Joël Egloff, il me semble. C'est possible, voilà. Je ne sais plus. Mais en tout cas, là, c'était aussi pour rebondir sur l'idée de la nouvelle, encore une fois, qu'on a essayé donc, pendant ces 6 éditions de défendre. Ouais. Au niveau au cours de notre festival 12 000 signes, et qui reste malgré tout un genre qui est souvent sous-estimé, beaucoup trop sous-estimé, que ce soit par les médias, mais les éditeurs aussi. Nous, en bibliothèque, on essaye de faire remonter ça, en disant, et on a un public cible pour commencer. Bien sûr. Le public qui a du mal à se plonger dans un roman, qui peut faire 600 pages ou 400 pages, parce que pas l'habitude de lire, parce que a perdu le temps de lire aussi, ça peut arriver, les aléas de la vie malheureusement font que voilà. Et quand on leur met dans les mains un recueil de nouvelles, et en leur disant, mais écoutez, ce sont des nouvelles qui peuvent faire 8-10 pages, et vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, parce que quelquefois, il y a aussi un ordre qui peut être imposé pour comprendre, ou voilà. Et là, tout de suite, on voit le regard qui s'éclaire et on se dit, chouette, je peux me remettre à la lecture. Donc, et puis, c'est un genre, effectivement, complètement particulier que moi, j'aime bien faire découvrir. Voilà. Et des moments aussi privilégiés, je sais pas, dans la salle d'attente d'un médecin, quand on prend le bus, etc. Et des moments qu'on peut se permettre d'avoir une histoire complète qui est lue en 20 minutes, quoi. Voilà. Et ça, bah, finalement, c'est un plaisir qui n'est pas assez connu. Moi, j'ai presque envie de lire dans les transports, par exemple, lâchez vos téléphones. Bien sûr. Et lisez. Après, chacun fait comme il veut. C'est sûr que... Et on remarquera aussi par rapport à la sous-estimation qu'il peut y avoir de la nouvelle, que par exemple, dans les librairies, c'est extrêmement rare qu'il y ait un rayon nouvelle. Moi, j'en ai jamais vu. Il y a un rayon philosophie, un rayon théâtre, poésie, tout ce que vous voulez. Parce que le rayon nouvelle, les nouvelles mélangées au roman. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc, Mariana Enriquez, puisque je l'ai trouvée en format poche, au milieu de livres de poche. Et j'ai regardé, le titre me plaisait beaucoup, j'adorais Les dangers de fumer au lit, j'adore, il y a des titres comme ça aussi, j'aime beaucoup. Non. Et je découvre que c'est de la nouvelle juste une fois que je l'ai acheté. Eh ben oui, pourtant c'est précisé ou pas d'ailleurs. Alors, sur le livre de poche, c'était précisé sur le quatrième de couverture que j'avais pas regardé. Je regarde sur la couverture du livre, mais par exemple là, il ne le précise pas. Ben voilà. Et c'est un petit peu dommage de la part de l'éditeur. Alors là, si j'ai parlé d'elle aussi, c'est qu'elle est assez reconnue, notamment en France. Ouais. Comme d'autres auteurs et autrices de nouvelles, qui sont plutôt, par exemple, je pense à Claire Keegan, autrice irlandaise, ou autre autrice irlandaise à Jane Carson, qui sont reconnues parce qu'elles sont publiées, parce que déjà, elles fonctionnent très très bien, que ce soit en Irlande ou elle en Argentine, et que là, il y a un intérêt des éditeurs un petit peu plus, qui ont un peu plus pignon sur rue, là c'est les éditions du sous-sol, où Jane Carson, c'est chez Sabine Vespieser. Oui. C'est finalement ces éditeurs qui publient plutôt des autrices et auteurs des pays étrangers qui marchent bien à l'étranger. Et qu'on ne connaît pas. Moi, j'aime beaucoup cette édition. Qu'on ne connaît pas. Sabine Vespieser, j'aime beaucoup. Malgré tout, quelques auteurs français. Mais pas nombreux, hein. Oui, mais qui sont surtout connus pour leurs romans. Oui. C'est ce qu'on aussi voulu montrer dans le cadre de notre festival. On a invité des auteurs et autrices connus pour leurs romans comme Marie-Hélène Lafont ou Mélisse de Kerangal, mais beaucoup moins connus pour leurs recueils de nouvelles. Qui sont pourtant remarquables. Bah, voilà. Voilà. Donc c'était pour ça que ça me paraissait intéressant aussi de faire le lien entre aussi plein d'auteurs qui ne sont pas du tout connus, qui ne font que de la nouvelle, et qui sont dans des petites maisons d'édition. Et ça n'enlève rien du tout à leur grande qualité. C'est vrai, je suis d'accord. Donc voilà, c'est un genre, je trouve, voilà. Autant l'édition, enfin l'écriture jeunesse, il y a un soutien, il y a du, il y a pas beaucoup de médias qui s'y intéressent vraiment. Mais en même temps, il y a une distribution, il y a tout un travail autour. Il y a quelque chose derrière. Autant la nouvelle, ça reste vraiment un genre très très compliqué à défendre. Et c'est dommage. Très très dommage. Merci beaucoup Benoît pour tous ces beaux mots, ce partage autour de jours de chasse et de recueil de nouvelles. Et la nouvelle, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Benoît, merci pour tout, ce fut très agréable. Et puis on se dit à très bientôt sur les ondes de Caprices de Lecture. À bientôt, au revoir.